Chapitre 7e. Newman renonça à Bagdad et à Damas et revint à Paris avant la fin de l'automne. Il s'installa dans un appartement que Tom Tristram s'était chargé de lui choisir. Un appartement en rapport avec ce qu'il appelait sa position sociale. Quand Newman apprit qu'il lui faudrait à l'avenir tenir compte de sa position sociale, il se déclara incompétent et supplia son ami de lui venir en aide. « Je ne savais pas avoir de position sociale, » dit-il, « et si j'en ai véritablement une, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'elle peut être. Avoir une position sociale, n'est-ce pas connaître 200 ou 300 personnes et les inviter à dîner ? Je vous connais, vous et votre femme. Je connais aussi le petit monsieur Nioche qui me donnait des leçons de français ce printemps. Puis-je vous inviter à dîner ensemble chez moi ? Si je le puis, venez demain. » « Ce que vous dites là n'est pas aimable pour moi, qui vous ai présenté à tous mes amis et connaissances, » dit Madame Tristram. « Quelle ingratitude !»« C'est vrai, je l'avais complètement oublié. » »« Mais, » continua Newman de ce ton franchement délibéré qu'il prenait souvent, et dont on aurait pu dire au juste s'il était le résultat d'une maligne affectation d'ignorance ou d'un réel désir de s'instruire, « je pensais que votre intention était de me les voir oublier. » « Ne m'avez-vous pas dit qu'aucun d'eux ne méritait ma sympathie ?»« Ah, je suis flatté vraiment de la façon dont vous vous souvenez de mes moindres paroles. Mais à l'avenir, oubliez, s'il vous plaît, les mauvaises pour ne vous souvenir que des bonnes. Ce sera facile et votre mémoire ne sera pas surchargée. Tenez, prenez note de ceci. Si vous vous fiez à mon mari pour votre logement, vous aurez quelque chose d'affreux. »« D'affreux, mon amour ?» s'écria M. Tristram. Si je n'emploie pas un mot plus énergique, c'est que je me suis juré de ne rien dire de déplaisant aujourd'hui. Que pensez-vous qu'elle pourrait dire, Newman? Si elle essaye un peu, pour voir? Elle sait exprimer son mécontentement en 3 ou 4 langues. Voilà ce que c'est que d'être intellectuel. Et c'est ce qui lui donne l'avantage sur moi, car je ne saurais jurer, fût-ce pour sauver ma vie, si ce n'est en anglais. Quand je suis en colère, j'en reviens toujours à notre vieille langue mère. Il n'y a rien de tel que l'anglais, après tout. Newman déclara ne se connaître nullement en table et en chaise et que, en fait de logement, il accepterait, les yeux fermés, ce que Tristram lui choisirait. C'était un peu la vérité, mais c'était surtout de la charité de la part de notre héros. Il savait qu'un des plus agréables passe-temps de Tristram consistait à visiter les appartements, à en faire ouvrir les fenêtres, à s'assurer du moelleux des canapés, et à bavarder avec les vieilles propriétaires, s'informant du nom des locataires et de leurs habitudes. Il était d'autant plus heureux de pouvoir procurer ce plaisir à son ami que sa conscience lui reprochait un refroidissement sensible à son égard. Et puis vraiment, il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il faut au juste pour l'installation d'un intérieur confortable. Il aimait le luxe, la splendeur, mais s'inquiétait peu des détails et encore moins du confort, ayant le don de se mettre à l'aise partout. Il voulait, avant tout, un appartement spacieux, clair, brillant, élevé de plafond. Un appartement, disait-il, où l'on éprouva le besoin de garder son chapeau sur la tête, et un grand nombre de pièces, quitte à ne pas s'en servir. Quant au reste, il s'en rapportait à Tristram pour que tout fût convenable. Tristram, en conséquence, arrêta un appartement dans une magnifique maison du boulevard Haussmann, au premier étage, et composé d'une série de pièces dorées du haut en bas, à 1 pouce d'épaisseur, avec des rideaux et des meubles de satin de nuances claires, des papiers de tenture fond blanc à étoiles d'or, et une profusion de glace, de miroirs et de pendules. Newman trouva l'appartement splendide, remercia cordialement son ami, entra en jouissance et laissa pendant 3 mois une de ses malles au beau milieu du grand salon. Un jour, Madame Tristram lui dit que sa charmante amie, Madame de Saint-Tré, était de retour de la campagne. 3 jours auparavant, à la recherche d'une ouvrière en dentelle dont on lui avait vanté l'habileté, elle l'avait rencontrée à la porte de l'église Saint-Sulpice. « Et comment étaient ses beaux yeux ?» demanda Newman. « Ses beaux yeux étaient rouges de larmes, s'il vous plaît. Elle sortait du confessionnal. »« Cela ne répond pas au portrait que vous m'avez fait d'elle ? Qu'elle ait des péchés à confesser ?» Ce n'était pas sur ses péchés qu'elle pleurait, mais sur ses souffrances. Comment le savez-vous? Elle me priait de l'aller voir, et j'y suis allé ce matin. Et qu'est-ce qui l'a fait souffrir? Je ne le lui ai pas demandé. On est un peu intimidé près d'elle, vous savez, mais ça se devine facilement. Sa méchante vieille mère et son grand turc de frère la rendent malheureuse. Ils la persécutent. Je suis presque tenté de leur pardonner parce que Claire est une sainte et qu'il ne lui manque que la persécution pour faire briller sa sainteté de tout son éclat. Elle devient ainsi une femme parfaite. Voilà une théorie bien agréable pour elle. Vous ne suggérerez jamais, j'espère, de pas résister à ses persécuteurs. Mais pourquoi se laisse-t-elle dominer par ces gens-là? N'est-elle pas maîtresse de sa personne et de ses actions? Légalement, oui, je crois. Moralement, non. En France, on ne doit jamais dire non à sa mère. On n'a qu'à se soumettre. La chose peut avoir son bon côté, je ne dis pas. Madame de Saint-Tré, quoi qu'elle en soit, courbe la tête et replie ses ailes. Mais son frère? Son frère est chef de la famille, comme ils disent. Chez lui, il est roi. Pour ces gens-là, la famille est tout. Chacun doit agir, non pour son propre avantage, mais pour celui de sa famille. « Je voudrais mieux savoir ce que ma famille pourrait attendre de moi, » s'écria Tristram. « Si au moins vous en aviez une. »« Mais que veulent-ils obtenir de cette pauvre femme ?» demanda Newman. « Qu'elle se remarie. Ils ne sont pas riches, et un peu plus d'argent dans la famille serait le bienvenu. » « En avant, mon brave !» s'écria Tristram. « Et Madame de Saint-Tré refuse ?»« On l'a déjà vendue une fois. Elle ne veut pas être vendue une seconde. » Ils furent dupés à ce qu'on raconte dans leur premier marché. Monsieur de Saint-Tré a laissé peu de choses. Et à qui veut-on la marier aujourd'hui? J'ai cru plus convenable de ne pas le demander, mais soyez certain que c'est à quelque horrible vieux nabab ou à un jeune duc libertin ou... Voilà bien ma femme, interrompit Tristram. Quelle richesse d'imagination! Elle n'a pas fait une seule question, fit donc, non pas une seule, mais elle sait tout. Elle vous dira toute l'histoire du mariage projeté. Et elle a vu la belle Claire à genoux, les cheveux épars, les yeux noyés de pleurs, et les autres autour d'elle avec des piques, des poignards, des fers rouges, tout prêts à se précipiter sur elle, si elle refuse le petit duc. La vérité est tout simplement qu'on lui a fait une scène à propos de la note de sa modiste, ou qu'on lui a refusé une loge à l'opéra. Newman regardait alternativement Tristram et sa femme, et il paraissait tout anxieux. « Voulez-vous dire, » demanda-t-il enfin à Madame Tristram, qu'on force votre ami à se marier contre son gré? C'est ce qu'il y a de plus probable, je crois. Ces gens-là en sont fort capables. On dirait un drame de la Porte Saint-Martin. Cette sombre vieille demeure dans ce solennel faubourg a l'air d'une maison où se sont passées et où se passeront des choses abominables. Leur château en province est encore plus triste et plus lugubre, à ce que m'a assuré Madame de Saint-Tré. C'est là, pendant l'été, qu'ils ont dû tramer leur intrigue. Qu'ils ont dû, dit Tristram. Remarquez l'expression. Après tout, reprit Newman, il est possible que son chagrin ait une autre cause. Si la cause est autre, soyez sûr qu'elle est pire, dit sans hésiter Madame Tristram. Il y eut une pause. Newman réfléchissait profondément. Est-il possible, dit-il en sortant tout à coup de sa rêverie, que de telles choses se passent en France, que des femmes, soit assez abandonnée de tous pour être forcée d'épouser des hommes qu'elle haïsse. Dans tous les pays, les pauvres femmes sans appui ont de mauvais moments à passer, répondit Madame Tristram. À New York aussi bien qu'ailleurs, ajouta son mari, les jeunes filles sont amenées souvent, ou par persuasion, ou même par intimidation, à épouser de vils personnages. Cela arrive constamment dans la 5e avenue. Ah, les mystères de la 5e avenue, on devrait bien les dévoiler. « Je ne suis pas de votre avis, » dit gravement Newman. « Je ne crois pas, je nie, qu'en Amérique on n'ait jamais forcé une fille à se marier malgré elle. Non, vous ne trouveriez pas 10 exemples d'une telle infamie depuis que l'Amérique existe. » Newman s'animait. « Oh oh !» s'écria Tristram. « Écoutez la voix de l'aigle planant dans les airs. » « Au lieu de planer, l'aigle devrait bien se servir de ses ailes, » dit Madame Tristram, « et voler au secours de Madame de Saint-Tré. » « À son secours ?» Oui, foncez sur elle, saisissez-la dans vos serres et enlevez-la, vous l'épouserez ensuite. Newman ne répondit pas d'abord. Pendant quelques instants, il réfléchit, puis dit lentement. Je croirais plutôt qu'elle doit avoir assez du mariage. La meilleure manière de lui être agréable serait, je crois, de ne lui en jamais parler et de se borner à l'admirer. Mais tout cela est infâme, ajouta-t-il. Cela m'exaspère et me met hors de moi d'en entendre parler. Il en entendit parler cependant plus d'une fois par la suite. « Je l'ai vue hier, » lui dit un jour Madame Tristram. « Elle est plus calme. Je lui ai parlé de vous. Elle sait que vous êtes à Paris et fidèle à votre désir de faire sa connaissance. » Elle a souri, malgré son profond désespoir, et m'a répondu qu'elle était fâchée d'avoir manqué votre visite ce printemps. Elle espère que vous n'avez pas perdu courage. Je lui donnais sur vous 1000 détails. « J'en suis bien aise, » dit tranquillement Newman. « J'aime que les gens sachent qui je suis. » Peu de temps après, par une brumeuse après-midi d'automne, il retourna rue de l'Université. La nuit commençait à tomber quand il arriva devant l'hôtel de Bellegarde. La lourde porte s'ouvrit à son coup de sonnette. « Cette fois, Madame de Saint-Tré est visible, » lui dit la concierge. Newman traversa la cour, entra dans le vestibule de l'hôtel et, précédé d'un domestique, monta par un large escalier de pierre à vieille balustrade de fer forgé jusqu'au deuxième étage. Le domestique ouvrit une porte et annonçant « Monsieur Newman » l'introduisit dans un petit salon, une sorte de boudoir à panneaux de bois sculptés, où une dame et un jeune homme étaient assis auprès du feu. Le gentleman fumait une cigarette. La pièce n'était éclairée que par la lueur de deux bougies et la flamme du foyer. Les deux personnes se levèrent pour recevoir Newman, qui reconnut Madame de Saint-Tré. Elle lui tendit la main. En souriant et désignant son compagnon, debout à ses côtés, « Mon frère, » dit-elle doucement. Celui-ci salua d'un air franc et cordial. Newman s'aperçut alors que c'était le jeune homme qui lui avait parlé dans la cour de l'hôtel lors de sa première visite et dont la figure sympathique l'avait frappé. « Madame Tristram m'a souvent parlé de vous, » dit Madame de Saint-Tré en reprenant sa place au coin du feu. Newman s'assit, assez embarrassé de sa personne. Il se demandait à part lui ce qu'en fin de compte il venait faire dans cette maison. Il se crut égaré dans quelque coin perdu du monde. Ce n'était pas dans son caractère ni de prévoir ni de redouter le danger. Il n'était ni timide ni impudent. Trop content de lui pour être timide, trop bien disposé envers son prochain pour être impudent, il était trop fin et trop perspicace cependant, malgré sa propension à ne s'étonner de rien, pour ne pas se rendre compte qu'il y a de par le monde des choses qui ne sont pas si simples que cela. Et en ce moment, il éprouvait la sensation d'un homme qui, montant un escalier, trouverait le vide là où il s'attendait à trouver une marche. Cette étrange femme, si charmante et si belle, assise au coin du feu et causant avec son frère, dans les profondeurs de ce vieil hôtel d'aspect rébarbatif, qu'avait-il à lui dire après tout? Elle vivait là comme dans une retraite fantastique. De quel droit venait-il l'y trouver? Pendant quelques instants, il lui sembla qu'il allait tomber dans un abîme et qu'il lui faudrait se raidir de toute son énergie pour ne pas s'y engloutir. En même temps que ses pensées, ou plutôt ses sensations, se succédaient rapidement dans son esprit, il regardait Madame de Saint-Tré, qui s'installait lentement dans son fauteuil, arrangeant les plis de sa robe à longue traîne et tournant la tête vers lui. Leurs yeux se rencontrèrent. Un moment après, elle se pencha du côté de son frère, auquel elle fit signe de mettre une bûche au feu. Mais ce rapide coup d'œil avait suffi pour que Newman se remît de son trouble passager et recouvrât son sang-froid. Il fit alors, sans en avoir conscience, le mouvement qui, chez lui, était une preuve évidente de confiance, de sécurité et de bien-être, il étendit les jambes. Désormais, il était maître de la situation. L'impression que lui avait causée Madame de Saint-Tré lors de leur première rencontre, il la ressentait nouveau en ce moment, et plus vivement encore, peut-être. Cette femme lui plaisait, l'intéressait. Il venait d'ouvrir un livre qui, dès les premières lignes, avait captivé son attention et qu'il était résolu de lire jusqu'au bout. Madame de Saint-Tré adressa plusieurs questions. Quand avait-il vu Madame Tristram? Depuis combien de temps était-il à Paris? Jusqu'à quelle époque comptait-il rester? Que pensait-il de la France et des Français? Elle parlait anglais sans le moindre accent, ou plutôt avec cet accent britannique qui, lors de son arrivée en Europe, avait semblé à Newman comme une langue étrangère, et cependant avait pour lui un grand charme, maintenant surtout dans la bouche des femmes. Ça et là, des expressions de Madame de Saint-Tré avaient bien encore un certain goût de terroir français. Elle n'employait pas toujours le mot propre, mais au bout de 10 minutes, Newman se surprit à désirer le retour de ces suaves discordances. Il les trouvait adorables et s'étonnait qu'une chose aussi monstrueuse qu'une faute de langage pût lui paraître si douce à entendre. « Vous habitez un admirable pays, » dit-elle. « Oh, magnifique, vous devriez le venir voir. »« Je ne le verrai jamais, » reprit-elle avec un sourire. « Pourquoi pas ? Je ne voyage pas, surtout si loin. » « Mais vous vous absentez quelquefois. Vous ne restez pas toujours à Paris. »« En été, je vais à la campagne. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler voyager. » Newman aurait voulu dire quelque chose de plus, quelque chose de personnel à Madame de Saint-Tré. Il ne savait trop quoi, par exemple. « Ne trouvez-vous pas cette maison bien calme, si loin de la rue ?» Il avait été sur le point de dire « si triste », mais il réfléchit que ce serait impoli. « Oui, c'est fort calme ici, mais nous aimons cette tranquillité. »« Ah, vous l'aimez ?» fit Newman lentement. « De plus, j'ai passé ma vie dans cet hôtel. »« Toute votre vie ?»« J'y suis né. Mon père, mon grand-père, mes aïeux, naquirent avant moi. »« N'est-ce pas, Valentin ?»« Oui, c'est une habitude dans la famille de naître ici, » dit en riant le jeune homme qui se leva et lança dans le feu le bout de sa cigarette. Appuyé contre la cheminée, il se mit alors à considérer plus attentivement Newman tout en caressant sa moustache. « Cet hôtel est terriblement vieux alors. »« De quelle époque date-t-il au juste, frère ?» Le comte Valentin prit un flambeau de chaque main et les éleva de façon à éclairer la corniche au-dessus de la cheminée. Cette cheminée, très haute, était en marbre blanc, du style Louis XV, rococo. Mais la boiserie qui la surmontait datait du XVIIe siècle, toute sculptée, peinte en blanc, avec des dorures. Le blanc avait tourné au jaune, et les dorures ternies s'écaillaient par places. À l'extrémité supérieure, près du plafond, sur un écusson en forme de bouclier, étaient sculptées les armoiries des Bellegardes, et au-dessus, en relief, la date 1627. « Voilà, » dit le jeune homme, « c'est plus ou moins vieux, ça dépend du point de vue où l'on se place. » « Dans votre pays, les points de vue diffèrent diablement des nôtres, » répondit Newman, en levant la tête pour examiner le salon. « Votre hôtel est d'une architecture curieuse, » ajouta-t-il. « Est-ce que l'architecture vous intéresse ?» demanda le jeune homme. « Je me suis donné la peine cet été de visiter quelque chose comme 470 églises, si j'ai bonne mémoire. Appelez-vous cela de l'intérêt ?»« Peut-être vous occupez-vous de théologie ?»« Pas particulièrement. » Et se tournant vers Madame de Saint-Tré, « Vous êtes catholique, madame ?»« Oui, monsieur. » Newman fut frappé de la gravité de sa voix et de son ton presque solennel. Il se remit à examiner les boiseries et le plafond de la chambre. « Avez-vous jamais remarqué cette date là-haut » demanda-t-il quelques instants après. « Oui, dans ma jeunesse, » répondit Madame de Saint-Tré avec un peu d'hésitation. Son frère avait suivi tous les mouvements de Newman. « Vous aimeriez peut-être visiter la maison ?» L'Américain tourna lentement les yeux vers lui. Il avait une vague idée que ce jeune homme voulait s'amuser à ses dépens. C'était un élégant cavalier, toujours souriant, avec une nuance d'ironie dans son sourire et dans le clignement de ses paupières. « Maudite soit l'impudence de ces Français !» pensa Newman. « Que diable a-t-il à rire, celui-là » Il regarda tour à tour d'un air perplexe le frère et la sœur, et pour la première fois remarqua leur étonnante ressemblance. C'était là une bonne note pour le comte Valentin. De plus, Newman avait gardé de lui une si favorable impression qu'il sentit s'évanouir sa méfiance. Il répondit qu'il serait heureux de visiter l'hôtel. Valentin éclata de rire et prenant un des flambeaux. « Bravo, bravo » s'écria-t-il, « venez alors !» Mais Madame de Saint-Tré se leva vivement et lui saisit le bras. « Valentin, à quoi pensez-vous donc ?»« Mais à montrer la maison à M. Newman, ce sera très amusant. » Sans quitter le bras de son frère, elle se tourna en souriant vers Newman. « N'y allez pas, vous auriez une déception. De quel intérêt peut être pour vous un vieil hôtel, banal comme tant d'autres ?»« Il est rempli de choses curieuses, » insista le comte, « et puis cela me ferait plaisir. C'est une occasion qui ne se présente pas tous les jours. »« C'est mal, frère, très mal. » « Ma foi, qui ne risque rien à rien, venez-vous » Madame de Saint-Tré s'approcha de Newman et d'un geste gracieux l'indiqua de la main un fauteuil auprès de la cheminée. « Voyons, » dit-elle avec son doux sourire, « Ma société, dans ce salon, au coin d'un bon feu, ne vous semble-t-elle pas préférable à une excursion dans de longs corridors obscurs ? 100 fois préférable, s'écria Newman. Nous verrons l'hôtel un autre jour. Avec une solennité moqueuse, Valentin reposa le flambeau sur la table et secoua la tête. Ah, monsieur, vous faites manquer là un bien beau projet. Un projet ? Je ne comprends pas, dit Newman. Vous n'y auriez que mieux joué votre rôle. Peut-être aurai-je quelque jour l'occasion de vous expliquer cela. Voyons, assez, frère. Sonnez pour le thé, je vous prie. Le jeune homme obéit. Quelques instants après, un domestique apporta un plateau qu'il plaça sur un petit guéridon et sortira immédiatement. Madame de Saint-Tré venait à peine de se lever pour préparer le thé que la porte s'ouvrit de nouveau. Une dame entra, ou plutôt se précipita dans la chambre. En apercevant Newman, elle s'arrêta court, fit un léger signe de tête accompagné d'un « monsieur ». Puis s'approcha vivement de Madame de Saint-Tré, à laquelle elle tendit le front. Madame de Saint-Tré l'embrassa et continua à préparer le thé. La nouvelle venue était jeune et jolie, à ce qu'il sembla à Newman. Elle se mit à parler en français et très vite. « Oh, un peu de thé, ma toute belle, pour l'amour de Dieu. Je suis brisé, exténué, massacré, je meurs. » Newman était absolument incapable de saisir la moindre de ses paroles. Elle parlait beaucoup moins distinctement que M. Nioche. « C'est ma belle-sœur, » dit le comte Valentin en se penchant vers lui. « Elle est charmante. »« Oh, exquise !» Newman, cette fois encore, le soupçonna d'ironie. La jeune femme s'approcha de la cheminée, sa tasse de thé à la main. Elle la tenait à bout de bras pour n'en rien répandre sur sa robe et poussait de petits cris de terreur. Quand elle l'eut posée sur la cheminée, elle ôta son voile et se déganta tout en regardant Newman. « Puis-je quelque chose pour vous, ma chère ?» lui demanda Valentin d'un ton moitié moqueur, moitié câlin. « Présentez-moi, monsieur. »« Monsieur Newman, » dit le jeune homme. « Je ne puis vous faire ma révérence, monsieur. Je répandrai mon thé sur ma robe. Vous m'excusez, n'est-ce pas ?» elle ajouta en français, à demi-voix pour son beau-frère. « Ainsi Claire reçoit des étrangers, dans ce genre-là. »« Apparemment, » répondit-il en riant. Newman, par bonheur, n'entendit pas. Il s'approcha un instant près de Madame de Saint-Tré, qui le regardait comme si elle eût désiré lui parler. Quand il fut assis près d'elle, elle lui passa une tasse de thé. Ils causèrent de choses et d'autres, et tout en l'écoutant, Newman se rappelait ce que Madame Tristram lui avait dit de ses perfections, et elle trouva que Madame Tristram avait raison. Cependant, quoique belle, elle n'était pas d'une éblouissante beauté. Grande, svelte, le front large, avec d'épais cheveux blonds et des yeux gris clairs, intelligents et doux, très expressifs, ses traits avaient une sorte d'harmonieuse irrégularité. Madame de Saint-Tré paraissait plus jeune qu'elle ne l'était réellement. Il y avait dans toute sa personne quelque chose de la grâce réservée de la jeune fille et de l'autorité de la femme, un mélange charmant d'innocence et de dignité, de jeunesse et de maturité. À quoi donc pensait Tristram en la qualifiant d'orgueilleuse ? Elle n'était certes pas fière en ce moment, ou si elle l'était, elle perdait sa peine. Il fallait des nuances plus accusées pour attirer l'attention de Newman. En tout cas, elle était belle, et elle lui plaisait. Était-elle comtesse, marquise, descendante des anciens preux ? Jusqu'à ce jour, ces mots-là n'avaient pas eu grand sens pour lui. Il ne les avait entendus prononcer que rarement, et il n'avait jamais pris la peine d'y attacher d'importance. Mais maintenant, il semblait avoir une sorte de signification mélodieuse. Ils éveillaient en lui l'idée d'un être radieux et doux, aux gestes gracieux et à la voix harmonieuse. « Avez-vous beaucoup d'amis à Paris ? Sortez-vous souvent ?» demanda Madame de Saint-Tré. « Si je danse, voulez-vous dire ?»« Allez-vous dans le monde ?»« Oui, j'ai vu pas mal de monde. Madame Tristram m'a présenté à ses amis. Je fais tout ce qu'elle me conseille. »« Mais, personnellement, vous n'aimez pas à vous distraire ?»« Cela dépend. » Je n'aime ni le bal ni les plaisirs de ce genre. Je suis trop grave et trop vieux. Mais je désire m'amuser. C'est même pour cela que je suis venu en Europe. Les amusements ne manquent pas en Amérique, cependant. Pouah, je travaillais trop. Il est vrai que c'était par goût et par plaisir. Vous étiez extrêmement occupé alors. J'étais dans les affaires. Je suis entré dans le commerce à 15 ans. Dans quel genre d'affaires ? Demanda Madame de Bellegarde, qui s'était approchée pour prendre une seconde tasse de thé. Oh, j'ai fait un peu de tout. Tantôt je vendais des cuirs, tantôt des cuves pour les blanchisseuses. Madame de Bellegarde fit la grimace. Des cuirs? Oh, je n'aime pas le cuir. Je préfère encore les cuves. Le savon sent bon, au moins. Et il faut espérer que vous y avez fait fortune. Elle bavardait avec ce sans-gêne de la femme qui a l'habitude de dire tout ce qui lui passe par la tête. Elle avait un accent français très prononcé. Newman, décidément, la trouvait beaucoup moins jolie que Madame de Saint-Tré. Il avait parlé sérieusement tout à l'heure, mais le ton de Madame de Bellegarde le fit réfléchir. Il comprit qu'il lui fallait se mettre au diapason, et après un instant de silence, il répondit avec un sourire facétieux. « Non, j'ai perdu de l'argent, au contraire, dans les cuves, mais j'ai suffisamment réussi dans le cuir. » Après tout, continua la jeune femme, j'ai reconnu que la grande affaire en ce monde est de réussir. Je suis, je ne le nie pas, une adoratrice du veau d'or. Si vous êtes riche, tout est dit. Je n'ai pas de questions à vous adresser. Madame de Saint-Tré est très fière, elle, mais moi, j'ai découvert qu'on se procure beaucoup plus de plaisir dans cette triste vie lorsqu'on n'y regarde pas de si près. « Bonté divine, cher ami, comme vous y allez ?» dit tout bas Valentin. Je suppose que c'est un homme devant qui l'on peut parler. Répondit sur le même ton Madame de Bellegarde, puisque ma belle-sœur le reçoit. D'ailleurs, je n'ai dit que la vérité, telles sont mes idées. Ah, vous appelez cela des idées, murmura le comte. Madame Tristram m'avait assuré que vous étiez dans l'armée ou que, du moins, vous aviez servi dans la dernière guerre, observa Madame de Saint-Tré. Oui, mais ce n'est pas là ce que j'entends par les affaires. C'est bien vrai, s'écria Valentin. Autrement, je ne serais peut-être pas sans le sou. « Dois-je croire ce qu'on m'a dit ?» demanda Newman un moment après. « On prétend que vous êtes si fier. Le trouvez-vous ? » ?»« Oh, je suis mauvais juge. Si vous êtes fier avec moi, il faudra m'avertir, sinon je ne m'en apercevrai pas. »« Ma fierté se trouverait là dans une triste situation, » répondit-elle en riant. « Oui, cela viendrait surtout de ce que je ne voudrais m'apercevoir de rien. Mon plus vif désir est que vous me traitiez bien. » Madame de Saint-Tré ne riait plus. Elle l'écoutait en détournant à demi la tête, comme si elle eût craint qu'il n'allât trop loin. « Madame Tristram vous a dit l'exacte vérité, » continua Newman. « J'ai le plus grand désir de vous connaître. Et si je suis venu aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour vous voir une fois, mais dans l'espoir que vous m'engagerez à revenir. »« Oh, venez souvent, » dit Madame de Saint-Tré. « Mais serez-vous visible ? Je l'espère. » Newman se leva. Il lui semblait qu'il devenait légèrement entreprenant. Le fait est qu'il était très excité. « Eh bien, soit, » dit-il, « nous verrons. »« Frère, » continua Madame de Saint-Tré, « invitez M. Newman à revenir. » Le comte toisa l'Américain de la tête aux pieds, avec ce regard qui lui était habituel, singulier mélange de bienveillance et d'impudence. « Êtes-vous brave ? » demanda-t-il. « Dame, je le crois. »« Je le crois aussi. En ce cas, revenez. » « Ah, quelle invitation !» s'écria Madame de Saint-Tré en essayant de sourire. « Quant à moi, je serai très heureux, » dit le jeune homme, « de revoir M. Newman. Je souhaite tout particulièrement qu'il revienne, et je serai désolé de manquer une seule de ses visites. Mais je maintiens qu'il lui faudra un cœur aguerri. Allons, courage, monsieur !» Il lui tendit la main. « Ce n'est pas pour vous que je viendrai, » répondit Newman, « mais pour Madame de Saint-Tré. » « Il ne vous en faudra que plus de courage. »« Valentin !»« Décidément, » s'écria Madame de Bellegarde, « je suis seul capable ici de formuler une invitation polie. Venez me voir, moi, monsieur Newman. Vous n'aurez pas besoin de courage pour cela. » Newman se mit à rire et, sans répondre à cette dernière invitation, sortira. Madame de Saint-Tré ne releva pas le défi de politesse de sa belle-sœur, mais suivit d'un œil troublé l'hôte qui s'éloignait.